nation. Le président de l'extrême con nous a dit qu'il fallait tenir si la crise faisait venir. Donc les simples ne sont pas rubés, mais ça devrait pas trop déranger. De toute façon, on n'a plus rien, qu'on a déjà bouffé tous les gens. Tu vois, il n'y a pas.